Pedro Páramo. De Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov. D'après la traduction de Gabriel Diaculi. L'affaire a commencé quand Pedro Páramo, parti de bien bas, s'est élevé si haut. Il a grandi comme une mauvaise herbe. L'ennui, c'est qu'il a tout obtenu de moi. Et la loi? Quelle loi, Fulgor? Désormais, la loi, c'est nous qui allons la faire. J'ai toujours attendu qu'il vienne s'accuser de quelque chose, mais il ne l'a jamais fait. Cet homme dont tu ne veux pas dire le nom a foulé aux pieds ton église et tu l'as laissé faire. Que peut-on désormais attendre de toi, mon fils? Je pensais à toi, Susana. Le jour où tu es parti, je me suis dit, tu ne reviendras plus. Jamais tu ne reviendras. Septième épisode. Je suis couchée dans le lit où ma mère est morte il y a des années, sur le même matelas, sous la même couverture de laine noire dans laquelle nous nous enroulions toutes les deux pour passer la nuit. Je dormais alors à côté d'elle, dans le petit creux qu'elle me faisait entre ses bras. Il me semble encore sentir le rythme lent de sa respiration, les palpitations et les soupirs dont elle berçait mon sommeil. Il me semble encore éprouver le chagrin de sa mort. Mais tout cela est faux. Je suis là, étendue sur le dos, et je songe à ce temps-là pour oublier ma solitude. Parce que ce n'est ni pour un moment, ni dans le lit de ma mère que je suis couchée, mais dans une de ces caisses noires dont on se sert pour ensevelir les morts. Parce que je suis morte. Je sens l'endroit dans lequel je suis et je songe. Je songe à la saison où mûrissaient les citrons, au vent de février qui cassait les tiges des fougères avant qu'on ne les eût laissées se dessécher, aux citrons mûrs dont l'odeur emplissait la vieille cour. C'était la belle saison. En février, quand les matins n'étaient que vent, moineaux et lumière bleue. Je m'en souviens. C'est à cette saison que ma mère est morte. J'aurais dû crier. Mes mains auraient dû se meurtrir en se tordant de désespoir. C'est ce que tu aurais voulu. Mais n'était-ce pas un matin heureux? Le vent entrait par la porte ouverte, brisait les tiges de la cobaye. Du duvet commençait à apparaître sur la peau blanche, légèrement veinée de mes jambes. Et mes mains embarrassées tremblaient en effleurant mes seins. Les moineaux jouaient, les épis se balançaient sur les coteaux. J'avais de la peine à l'idée qu'elle ne pourrait jamais plus revoir le vent jouer dans le jasmin. Qu'elle avait à jamais fermé les yeux à la lumière du jour. Mais pourquoi aurais-je pleuré? T'en souviens-tu, Roustina? Tu avais rangé les chaises le long du couloir pour que les gens qui viendraient la voir puissent s'asseoir en attendant leur tour. Elles sont restées inoccupées. Ma mère est restée seule au milieu des cierges, avec son visage blême, ses dents blanches qui se montraient à peine entre ses lèvres violacées, durcie par la mort livide. Cécile désormais tranquille et tranquille aussi son cœur. Et toi et moi, qui n'arrêtions pas de prier, sans qu'elle pût rien entendre, sans que nous puissions rien entendre, car tout se perdait dans la nuit avec le tumulte du vent. Tu as repassé sa robe noire, en empesant le col et les poignets pour que ses mains aient bel air une fois croisées sur sa poitrine morte, sa vieille poitrine tendre sur laquelle j'ai dormi un temps, qui m'a nourri et à palpiter pour bercer mes rêves. Personne n'est venu la voir. Ça a été mieux ainsi. La mort ne se distribue pas comme si c'était un bien. Personne ne va jamais chercher la tristesse. On a frappé avec le heurtoir. Vas-y, toi, t'ai-je dit. Je vois le visage des gens tout flou. Et débrouille-toi pour qu'ils s'en aillent. Tu es sorti. Ils viennent chercher l'argent des messes chantées? Elle n'a pas laissé un sou. Dis-le leur, Roustina. Elle ne sortira pas du purgatoire si l'on ne fait pas dire ses messes? Mais qui sont-ils pour rendre la justice, Roustina? Tu dis que je suis folle? Très bien. Et tes chaises sont restées inoccupées jusqu'à l'heure où nous sommes allés l'enterrer avec des hommes payés pour cela, qui suaient sous un fardeau qui n'était pas le leur, étranger à tout chagrin. Ils ont comblé la fosse avec du sable mouillé. Ils y ont descendu le cercueil peu à peu, avec la patience de leur métier, dans un vent qui les rafraîchissait après l'effort. Les yeux froids, indifférents, ils ont dit « ça fait tant ». Tu les as payés comme on fait un achat quelconque, en dénouant ton mouchoir mouillé de larmes, tordu et retordu, dans lequel tu avais mis l'argent des funérailles. Quand ils sont partis, tu t'es agenouillé à l'endroit où s'était trouvé son visage. Tu as embrassé la terre et tu aurais bien pu y creuser un trou si je ne t'avais dit partons, Roustina. Elle est ailleurs. Ici, il n'y a plus qu'une chose morte. C'est toi qui as dit tout ça, Dorothea? Qui? Moi? Ah, pardon, j'ai fait un petit somme. Ils te font toujours peur? J'ai entendu quelqu'un parler. Une voix de femme. J'ai cru que c'était toi. Une voix de femme? Tu as cru que c'était moi? Ah. Ce doit être celle qui parle seule. Celle du grand tombeau. Doña Susanita. Elle est là. Enterrée à côté de nous. L'humidité l'a sans doute atteinte et elle doit se retourner dans son sommeil. Qui est-ce? La dernière femme de Pedro Páramo. Certains disent qu'elle était folle, d'autres que non. La vérité, c'est qu'elle parlait déjà seule quand elle était encore en vie. Elle doit être morte depuis longtemps? Oh oui, longtemps. Qu'est-ce qu'elle disait? Quelque chose à propos de sa mère. Mais elle n'en avait pas de mère. En tout cas, elle en parlait. Ou du moins, elle ne l'a pas emmenée avec elle quand elle est revenue à la Media Luna. Mais attends, je me souviens maintenant qu'elle est née ici et qu'elle avait déjà quelques années quand sa famille a disparu. Oui, c'est ça. Et sa mère est morte de phtisie. C'était une dame très étrange qui était toujours malade et que personne n'allait voir. C'est ce qu'elle a dit, que personne n'était allé voir sa mère morte. De quelle époque peut-elle bien parler? Bien sûr que personne n'est allé chez elle de peur d'attraper la phtisie. Elle se souvient de ça, la friponne? Elle en parlait. Quand tu l'entendras de nouveau, préviens-moi. J'aimerais savoir ce qu'elle raconte. Tu entends? On dirait qu'elle va dire quelque chose. On entend un murmure. Non, non, ce n'est pas elle. Ça vient de plus loin, de par là-bas. Et c'est une voix d'homme. Ce qui leur arrive à ces morts anciens, c'est qu'ils s'agitent dès qu'ils sentent venir l'humidité. Et ils se réveillent. Le ciel est grand. Dieu était avec moi cette nuit-là. S'il n'avait pas été là, qui sait ce qui se serait passé? Parce qu'il faisait déjà nuit quand je suis revenu à moi. Tu l'entends mieux, là? Il y avait... Oui. Du sang partout. Et quand j'ai essayé de me relever, mes mains ont trempé dans le sang répandu sur les pierres. C'était le mien. Des litres de sang. Mais je n'étais pas mort, je m'en suis bien rendu compte. J'ai compris que Pedro Páramo n'avait pas l'intention de me tuer, mais seulement de me faire peur. Il voulait savoir si j'étais allé à Villemaillot 2 mois plus tôt, à la Saint-Christophe. À la noce. Quelle noce? Quel Saint-Christophe? Je pataugeais dans mon sang et lui demandais à quelle noce, Don Pedro? Non, non, Don Pedro, je n'y étais pas. Oui, peut-être que je suis passé par là, mais tout à fait par hasard. Il n'avait pas l'intention de me tuer. Il m'a laissé boiteux, comme vous le voyez. Manchot aussi, si vous voulez. Mais il ne m'a pas tué. En tout cas, ça m'a endurci. Mais il est grand. Pas de doute. Qui ça peut bien être? Pas savoir. Un parmi tant d'autres. Pedro Páramo a semé tant de morts après le meurtre de son père. Il a pour ainsi dire éliminé tous ceux qui assistaient au mariage où Don Lucas Páramo devait être témoin. Et il faut dire que Don Lucas n'a été atteint que par ricochet, parce que c'était apparemment aux mariés qu'on en voulait. Comme nul n'a jamais su d'où était venue la balle qui l'avait frappé, Pedro Páramo a logé tout le monde à la même enseigne. Ça s'est passé là-bas, dans les hauteurs de Villemaillot, où il y avait quelques fermes, dont il ne reste plus trace. Écoute, maintenant on dirait bien que c'est elle. Toi qui as de bonnes oreilles, mon garçon, certain, tu me raconteras après ce qu'elle a dit. On ne comprend rien. Elle n'a pas l'air de parler, mais de gémir. Pourquoi gémit-elle? Peut-être Pedro Páramo l'a-t-il fait souffrir? Ne va pas t'imaginer une chose pareille. Il l'aimait. Je dirais même qu'il n'a jamais aimé aucune femme comme celle-là. Et pourtant, on la lui a apportée malade. Et peut-être même déjà folle. Il l'a tellement aimée qu'il a passé le reste de ses jours avachi dans un fauteuil, à regarder le chemin par lequel on l'avait mené au cimetière. Il ne s'intéressait plus à rien. Il a abandonné ses propriétés et donné l'ordre de brûler tout ce qu'elles contenaient. Les uns disaient qu'il en avait assez, les autres que le désespoir s'était emparé de lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il a chassé tout le monde et s'est assis dans son fauteuil face au chemin. Dès lors, la terre est restée en friche, comme en ruine. Ça vous fendait le cœur de la voir se couvrir de maladies, avec toutes les bestioles qui l'ont envahie quand on l'a laissée à l'abandon. En un rien de temps, la population s'est éteinte. Les hommes se sont dispersés pour aller chercher ailleurs d'autres râteliers, comme ils disaient. Je me souviens des jours où à Comala il n'y avait plus que des adieux. Et nous trouvions même réjouissant de dire au revoir à ceux qui s'en allaient. Moi, je suis resté parce que je n'avais pas où aller. D'autres sont restés à attendre la mort de Pedro Páramo. À ce qu'il disait, il leur avait promis son héritage. Il s'en est même trouvé qui ont vécu quelque temps de cet espoir. Mais les années ont passé et il était toujours là. Vivant, pareil à un épouvantail dressé devant les terres de la Media Luna. Il n'était plus très loin de la mort quand ont éclaté les guerres des Cristeros. L'armée a fait main basse sur les quelques hommes qui restaient. C'est alors que j'ai commencé à mourir de faim. Et depuis, je ne me suis plus mise avec personne. Tout ça à cause des idées de Don Páramo, à cause des tourments de son âme. Tout ça seulement parce que sa femme, cette fameuse Susana, est morte. Alors tu peux imaginer à quel point il l'aimait. Dites, Don Pedro, vous savez qui j'ai vu par ici? Qui? Bartolomé San Juan. Et alors? C'est ce que je me demande. Que vient-il faire ici? Tu n'as pas essayé de savoir? Non. Il Faut dire qu'il n'a même pas cherché où se loger. Il est allé tout droit à votre ancienne maison. Là, il a mis pied à terre et il a déchargé ses bagages. Comme si vous la lui aviez louée par avance. En tout cas, il avait un air tout à fait décidé. Qu'est-ce que tu fais, Fulgor, si tu ne te renseignes pas? Tu es là pour ça, non? J'étais un peu dérouté par ce que je viens de vous raconter. Mais demain, je tirerai ça au clair si ça vous semble nécessaire. Pour demain, laisse-moi faire. Je m'en charge. Ils sont venus tous les deux? Oui, lui et sa femme. Comment le savez-vous? Ne serait-ce pas plutôt sa fille? Vu la façon dont il la traite, on dirait plutôt sa femme. Va dormir, Fulgor. Si vous le permettez. J'ai attendu 30 ans ton retour, Susanna. J'ai attendu de tout avoir. Pas seulement ceci et cela, mais tout ce que je pouvais obtenir. De manière qu'il ne me reste plus aucun désir, sinon de toi. Le désir de toi. Combien de fois n'ai-je pas invité ton père à revenir vivre ici, en lui disant que j'avais besoin de lui, même si ce n'était pas vrai. Je lui ai proposé d'être mon intendant, juste pour te revoir. Et quelle réponse m'a-t-il faite? De réponse, il n'y en a pas, me disait toujours le messager. C'est par ce garçon que j'ai su que tu t'étais marié. Peu après, j'ai appris que tu étais veuve et que tu tenais de nouveau compagnie à ton père. Puis ça a été le silence. Le messager allait, venait et en revenant me disait toujours... Je ne les trouve pas, Don Pedro. On dit qu'ils ont quitté Mascota. Les uns affirment qu'ils sont partis dans telle direction et les autres dans telle autre. Ne regarde pas la dépense, cherche-les. La terre ne les a tout de même pas engloutis. Jusqu'au jour où il est venu me dire... J'ai parcouru toute la montagne en demandant dans quel coin se cachait Don Bartolomé San Juan. Et j'ai fini par le trouver. Isolé au creux d'une combe, dans une cabane en rondin, à l'endroit où se trouvent les mines abandonnées de la Andromeda. À ce moment-là couraient des bruits bizarres. On disait que des gens armés s'étaient soulevés. Des rumeurs arrivaient jusqu'ici. C'est ce qui a poussé ton père à revenir. Pas pour lui, mais pour te mettre à l'abri dans un endroit peuplé, comme il me l'a dit dans sa lettre. J'ai senti le ciel s'ouvrir. J'ai eu envie de courir vers toi, de t'envelopper d'allégresse, de pleurer. Et j'ai pleuré, Susanna. Quand j'ai appris que tu revenais, enfin. Il y a des villages qui ont un goût de malheur. On les reconnaît dès que l'on avale un peu de leur air usé et stagnant, aussi appauvri et sec que la vieillesse. Ce village est de ceux-là, Susanna. Il nous a demandé de revenir. Il nous a prêté sa maison. Il nous a donné tout ce dont nous pouvons avoir besoin, mais nous n'avons pas à lui en être reconnaissants. Nous sommes mal lotis d'être ici, parce qu'il n'est ici aucun salut possible. J'en ai le pressentiment. Sais-tu ce que m'a demandé Pedro Páramo? J'imaginais bien que ce qu'il nous a donné n'allait pas être gratuit, j'étais prêt à le lui payer par mon travail, puisqu'il fallait payer d'une façon ou d'une autre. Je lui ai fait un rapport détaillé sur la Andromeda. Je lui ai montré les possibilités que les mines pouvaient offrir si on les exploitait avec méthode. Et sais-tu ce qu'il m'a répondu? Ce ne sont pas vos mines qui m'intéressent, Bartolomé San Juan. Tout ce que je veux de vous, c'est votre fille. Ce que vous avez fait de plus beau. C'est toi qu'il veut, Susanna. Il dit que tu jouais avec lui quand vous étiez petit, qu'il te connaît, que vous êtes même baignés ensemble dans la rivière en ce temps-là. Je l'ignorais. Si je l'avais su, je t'aurais tué à coups de ceinture. Je n'en doute pas. C'est toi qui as dit « je n'en doute pas » ? C'est moi qui l'ai dit. Ça signifie que tu es prête à coucher avec lui ? Oui. Bartholomé. Et tu sais qu'il est marié et qu'il a eu une multitude de femmes? Oui, Bartholomé. Ne m'appelle pas Bartholomé. Je suis ton père. Bartholomé San Juan, un mineur mort. Susana San Juan, fille d'un mineur mort dans les mines de la Andromeda. Il y voyait clair. Je vais devoir aller mourir là-bas, a-t-il songé. Puis il a dit... Je lui ai répondu que toi, bien que veuve, tu vis toujours avec ton mari, ou du moins que c'est ainsi que tu te conduis. J'ai essayé de le faire changer d'idée, mais son regard devient retors quand je lui parle, et il ferme les yeux chaque fois que ton nom est prononcé. Il est, d'après ce que je sais, la méchanceté même. Voilà ce qu'est Pedro Páramo. Et moi, qu'est-ce que je suis? Tu es ma fille. À moi. La fille de Bartolomé San Juan. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce monde nous opprime de tous côtés, répand çà et là des poignées de notre poussière, nous dépèce comme pour abreuver la terre de notre sang. Qu'avons-nous fait? Pourquoi notre âme s'est-elle corrompue? Ta mère disait qu'il nous reste au moins la charité de Dieu. Et toi, tu la nies, Susanna. Pourquoi renies-tu ton père? Es-tu folle? Tu ne le savais pas? Tu es folle? Bien sûr que oui, Bartholomé. Tu ne le savais pas? Sais-tu, Fulgor, que c'est la plus belle femme que la terre ait jamais portée? J'en étais arrivé à croire que je l'avais perdue à jamais. Alors maintenant, je ne veux pas la perdre à nouveau. Tu me comprends, Fulgor? Dis à son père de retourner exploiter ses mines. Et là-bas, j'imagine qu'il ne sera pas difficile de faire disparaître le vieux dans ces coins où personne ne met jamais les pieds. Tu ne crois pas? C'est possible. Il faut que ça le soit. Elle doit devenir orpheline. Nous avons le devoir de la protéger. Tu es bien d'accord? Ça ne me paraît pas infaisable. Alors vas-y, Fulgor. Fais-le. Et si elle l'apprend? Qui le lui dira? Hein? Dis-moi, ici, entre nous. Qui irait le lui dire? Personne, j'en suis sûr. Enlève-moi tout de suite ce « j'en suis sûr » et tu verras que le tour est joué. Rappelle-toi le mal que nous avons eu à trouver la Andromeda. Envoie-le travailler là-bas. Qu'il aille et qu'il vienne, mais pas question qu'il emmène sa fille avec lui. C'est nous qui allons veiller sur elle, ici. Là-bas, le travail, et ici, la maison, où il pourra lui rendre visite de temps en temps. Voilà ce qu'il faut lui dire, Fulgor. J'ai de nouveau plaisir à vous voir faire, Paton. J'ai l'impression qu'on reprend du poil de la bête. C'était Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Adaptation Laure Goroff, d'après la traduction de Gabriel Yacouli. Septième épisode. Avec Jacques Bonafé, le narrateur, Éric Charon, Juan Preciado, Jean-Yves Châtelet, Bartholomé San Juan, Jean-Pierre Calfon, Don Fulgor, Denis Lavant, Pedro Páramo, Johanna Nizar, Susana San Juan, Liliane Rovert, Dorothea. Et avec Julien Blétrac, Cédric Revolon. Bruitage, Sophie Bissantz. Musique originale, Lyon Milo. Violon, Sébastien Surel. Guitare, Arnaud Dumont. Viol de gambe, Philippe Foulon. Percussion, Florent Jodelet. Flûte, François Dodin Claveau. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Émilie Couette, Cécile Lafont, Laure Egoroff. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, est publié aux éditions Gallimard.